ton temps à fuir le monde et son image, à ne pas accepter ton visage et ton corps. Mais tu as oublié qu'on n'est que le passage et que le temps qui fuit est toujours le même.